Bonjour et bienvenue sur le podcast de Madame Berman. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de nos disciplines académiques. Today we're going to learn about academic disciplines and what we feel and how we feel about them. So let's look at some academic discipline first and see how we feel about it. L'allemand. J'adore l'allemand. L'anglais. J'aime bien l'anglais. L'espagnol. J'aime beaucoup l'espagnol. Le français. J'adore le français. L'italien. C'est génial. That's great. J'adore l'italien. Le japonais. J'aime bien le japonais. How about feminine academic disciplines such as la biologie? J'aime assez la biologie. L'économie? Je n'aime pas l'économie. La géographie? J'aime la géographie comme ci, comme ça. L'histoire? J'aime beaucoup l'histoire. L'informatique? J'adore l'informatique. La littérature? J'adore la littérature. La musique? J'aime beaucoup la musique. La psychologie? J'adore la psychologie. How about plural disciplines? Les mathématiques. Ah, je déteste les mathématiques. Les sciences politiques. Ah, j'aime les sciences politiques comme ci, comme ça. So now you can actually find out from your partner what he loves and what he hates. This is what you ask. Comme discipline, qu'est-ce que tu adores? J'adore le français. Bien sûr. Comme discipline, qu'est-ce que tu détestes? Je déteste les mathématiques. C'est triste. C'est la vie. I hate math. That's too bad. It's life, though. With that in mind, you can ask and now tell about your tastes when it comes to the classes you take. The next question you may ask your partner is, ce semestre, qu'est-ce que tu étudies? What are you studying this semester? Ce semestre, j'étudie le français, l'anglais, l'histoire de l'art et les mathématiques. This semester I studied French, English, Art History and Math. That's my load. Qu'est-ce que tu étudies? J'étudie, and don't forget to use your le, la, les with your classes. With that in mind, you can now talk about your schedule. Bravo, bon courage, étudiez bien et à demain.